Je réponds pas à ses appels, elle fait que de me dire je vis dehors. Je suis qu'un mec de test, elle fait que me dire que je vaux de l'or. Avec la voiture de sa mère, frérot, j'ai foncé dans le décor. Mais elle s'en bat les reins, elle m'a dit pas grave, j'étais ma mort. Chez moi, pas de problème financier, t'es mon bijou, t'es ma vie. Le soir, je vais voir des folles, elle pense déjà à la mairie. Merde, merde, elle me dit viens dans mon 16ème. On dit qu'il fait moins froid, qu'elle m'attend dans le noir, qu'y a pas ses parents ce soir. Donc, arrête, si ma ça, envoie ça, je démarre la gova. J'arrive chez elle, c'est pas comme chez moi, des tables tout part. Ce soir, je vois flou, et de toi, je m'en fous. Mais ce soir c'est à nous. Et la rue m'a mis dans la friendzone. Mais jamais toi ma chérie. Elle veut me faire quitter mon bendo. J'suis dans ma zone, j'lui ai dit. Et la rue m'a mis dans la friendzone. Mais jamais toi ma chérie. Elle veut me faire quitter mon bendo. J'suis dans ma zone, j'lui ai dit. Ah ouais, j'lui ai dit adios. Elle me dit bébé, qu'est-ce que tu me fais là? J't'ai laissé trois messages, tu réponds pas mais tu snaps. Quand je t'harcèle, tu pètes un câble. Chez moi, tu fais le mec amoureux. Quand tu pars direct, tu zappes. Je dis que j'ai grave des choses à faire, oseille, oseille. Que j'ai toujours deux, trois telles que j'perds que c'est pas contre elle. Ouais, ouais, elle me dit, viens, on se taille d'ici. J'ai les moyens, tu sais. Je viens d'avoir 18 piges, maintenant ma mère, elle me laisse tout faire. Mon frérot, c'est la merde. Je sens que j'ai un choix à faire, la rue ou elle. Mais la question, c'est laquelle des deux m'en sorcelle vraiment. Ma chérie, t'es belle, mais j'ai pas que ça à faire. Je vais pas tout quitter pour toi, donc fais toute seule tes affaires. Tes affaires, tes affaires. Et la rue m'a mis dans la friendzone. Mais jamais toi ma chérie. Elle veut me faire quitter mon bendo. J'suis dans ma zone, j'lui ai dit. Et la rue m'a mis dans la friendzone. Mais jamais toi ma chérie. Elle veut me faire quitter mon bendo. J'suis dans ma zone, j'lui ai dit. Ouais ouais, j'lui ai dit adios. Adios. Mais jamais toi ma chérie. Elle veut me faire quitter mon bendo. J'suis dans ma zone, j'lui ai dit. Adios.